temps pour moi de vous annoncer l'histoire d'un homme trop longtemps enfermé. Mais avec un peu de votre aide, il vous suffit juste de m'écouter.